Branlito, ho! Branlito, branlito, lève les bras et appelle. Branlito, branlito, branlito, lève les bras et appelle. Branlito, ho ho ho! Branlito, la main d'acier, je reviens faire du bif. C'est le retour du petit pervers dépressif que tu kiffes. Tout ce temps j'étais caché dans le pif de Cédric. J'ai pas perdu la main non, elle est toujours sur ma bite. Branlito, au-dessus c'est le soleil beach. J'ai eu une grosse saucisse, viens te faire un sandwich. J'arrive pour conduire ces connards de Webedia à la faillite. Mais comme j'ai pas le permis, je vais pas vite. Branlito. Toujours plus X, mais je me soigne. Branlito. Je baise pas, mais j'ai de la poigne. Oh oh! Branlito. Toujours étudiant en pornologie. Branlito. Je connais par cœur la vie d'Ashline et sa filmographie. Je viens faire un rap sanglant, verser du sang, brûler des enfants, fêter les 100 ans de David Rockefeller, vendre le rap sous blister au plus offrant. Sois très content et occasionnellement, niquer ta maman et ton père. Après un long moment en hibernation, je brise la glace avec mon sexe en érection. Je balance du gros son sous des lourdes paroles. Je baise Angelo et son rap de petite tafiole. Oh oh oh! Branlito, branlito, lève les bras et appelle. Branlito, branlito, branlito, lève les bras et appelle. Branlito, branlito, oh! Branlito, branlito, lève les bras et appelle. Branlito, branlito, branlito, lève les bras et appelle. Branlito. Je suis tellement connu que les gens me prennent en photo dans la rue, niais, pour exposer mes muscles à leur vue. C'est pour ça que je sors tout nu. Ouais bébé, avant quand les filles me voyaient, elles se cramponnaient à une araignée, niais. Maintenant je les intimide tellement qu'elles osent pas me parler. BG timide là. La célébrité m'a rendu BG, mais ne m'a pas donné de fric, niais. Alors dis-moi petit PD, tu veux du coca avec ta grande frite? Je vais prendre un Pepsi. Peut-être veux-tu un peu de ketchup avec ma bite? Non merci, c'est gentil. Nique ta mère patron, je retourne toucher mon RSA et insulter Migo dans mes toupies. Oh oh oh! Branlito, lève les bras et appelle. Branlito, branlito, branlito, lève les bras et appelle. Branlito, branlito, oh! Branlito, branlito, lève les bras et appelle. Branlito, branlito, branlito, lève les bras et appelle. Branlito, branlito. Aussi rapide que l'éclair, surtout quand je me branle. Branlito. Mon passe-temps, c'est chier dans les saladiers à Auchan. Branlito. Une fille me demande l'heure, putain j'ai la gueule. Branlito. Je fais la technique de l'homme chouette et je m'envole. Les modos font tomber mes pseudos comme des feuilles. Ah zaza, zaza, zaza. Ces nazis crament mes secondaires comme si c'était des feuges. Bouh, antisémite. Feuge, feuge, s'il te plaît, trempez ma bite dans ta touche, s'il te plaît. Ce n'est pas le cheval le problème, mais les règles du feuge. Ouais, ouais, du jeu. Branlito, branlito, lève les bras et appelle. Branlito, branlito, branlito, lève les bras et appelle. Branlito, branlito, ho! Branlito, branlito, lève les bras et appelle. Branlito, branlito, branlito, lève les bras et appelle. Branlito. Ho ho ho! Branlito ho! Ho ho ho! Branlito ho!